story. Encore une femme que je veux. Elle connaît tous nos discours. Je crois qu'elle sait lire dans les yeux. Je veux lui dire que je suis celui qui l'appellera madame. Elle pense que je mens, mais c'est normal. On lui a tous dit ça. Comment tu t'appelles? Elle fait la sourde. Est-ce que t'as un mec? Elle laisse le doute rentrer dans sa tête. Le chemin le plus court, mais elle connaît les bails. Elle laisse aucune faille. Elle hésite à pas, mais elle tend son oreille. Je lui dis que le mien attire l'abeille. Elle croit que je joue un rôle, mais elle accepte la partie. Elle demande si je lui donnerai l'amour de maintenant à toujours. Si tu veux mon corps, faut que tu mérites. Je ne changerai mes principes pour personne. Je lui dis je suis pas personne. Elle joue avec moi, elle veut que je me livre. Elle me demande si je lui donnerai l'amour, l'amour, l'amour. Ah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey. Je lui dis que j'ai comme une vision, que j'ai l'image de nous deux. Elle rigole, c'est un point pour moi, j'ai réussi, mais je reste loin de son cœur. Tout ce qu'elle fait me donne envie d'insister, mais elle résiste encore. Elle donne l'heure, le go, et pour son ego, elle veut le dernier mot. T'as son s'appelle, donne-moi le jour. Donne-moi ton adresse, dis-moi où. Vous êtes tous pareils? Pas du tout. Laisse-moi du temps, tu baisseras ta garde. Elle se met à douter, creuse encore. Elle pense que je ne cherche que corps à corps. Elle veut me laisser une chance. Au final, tout ce qu'elle me demande, c'est si je donnerai de l'amour. De maintenant à toujours. Si tu veux mon corps, faut que tu le mérites. Je ne changerai mes principes pour personne. Je lui dis, je suis pas personne. Elle joue avec moi. Je ne vais pas te mentir, maman.